Leçon 5, page 28. Bonsoir et bienvenue aux auditeurs de Tout sur le Net. Nous avons invité deux étudiants en recherche d'emploi, Annabelle et Sébastien, pour nous parler des candidatures spontanées par courrier électronique. Ces candidatures ont beaucoup de succès auprès des entreprises. Comment vous expliquez ça ? Bonsoir. Je pense que la nouveauté, l'effet de surprise du mail, sont bien accueillis par les recruteurs. Vous qui pratiquez déjà ces lettres CV électroniques, quels sont vos conseils de rédaction ? Il faut être très synthétique, tout simplement parce que le recruteur ne passera pas plus de 5 secondes à lire votre mail. Vous devez rendre sa lecture facile. Il faut donc présenter deux parties séparées par un repère visuel. La première partie est un condensé de votre lettre de motivation. La seconde partie contient en 6 ou 7 lignes l'essentiel de votre CV. Et pour le style ? Soyons clairs, c'est pas du tout le même style que celui des mails perso ou des chats. Là, c'est quand même notre image professionnelle qui est en jeu. Il faut soigner la rédaction et l'orthographe. Ne pas utiliser d'abréviation, pas de smileys. C'est ça. Il faut aller droit au but en soignant son style. Droit au but. Vous pouvez préciser en deux mots ? Votre mail doit tout dire en deux parties. 1. Pourquoi vous souhaitez intégrer cette entreprise ? Et 2. Pourquoi elle devrait vous sélectionner, vous, plutôt qu'un autre candidat ? Voilà ce qu'on peut tirer de notre expérience. Merci pour vos conseils extrêmement pratiques et bonne chance. Bonsoir à tous et à demain.